بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا بالدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. الدعوة السلفية. بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية باليمن. A le plaisir de vous présenter شرح تلخيص صفة الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها للإمام المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه. إذا جاء الأثر بطل النظر. Cours dispensé en direct de InSpeak par Abu Yusuf Abdullah Al-Aji. Cours numéro 22. كيفية الركوع. La description de l'inclinaison. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى آله وصحابته ومن تبع أثارهم واكتفى. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. قال ابن عمر وإن رآها الناس حسنة. أما بعد donc avant de commencer le dars inshallah il y a un petit tambour par rapport à la réponse du salam du participant 85 par rapport au fait de rajouter le fait de rajouter maghfiratuhu après que la personne t'ait dit مثلاً, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, car elle est venue dans l'ayah wa idha huyaytum bi tahiyyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha. Dans ce verset il est dit lorsque une salutation vous est faite, rendez de manière meilleure ou bien comme on vous a passé le salam, yani. Soit tu rajoutes ou soit tu te contentes de rendre au salam comme on te l'a passé. Donc le fait de rajouter, comme c'est venu dans la sunna, dans Sahih al-Bukhari, le fait que tu rajoutes, que tu dis assalamu alaikum, t'as dit récompense. Assalamu alaikum wa rahmatullah, t'en as 20. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, yani lorsque tu rajoutes wa barakatuh, ça fait 30 hasanat. Et le fait de rajouter wa maghfiratuhu, c'est une chose qui n'a pas été authentifiée de la sunna. Cheikh Yahya hafizahullah ta'ala, comme on a pu le bénéficier dans l'un de ses cours à Damaj, il nous a dit que le fait de rajouter wa maghfiratuhu, c'est une chose qui n'est pas authentifiée. Il est venu un hadith, comme l'a authentifié Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala dans Silsilat al-Safiha. Lakin, Cheikh Yahya nous a informé que ce hadith-là n'est pas authentique. Et même que Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, apparemment, il y a un livre dans lequel il est revenu sur les jugements qu'il a pu faire avant cela. Donc il y a un livre apparemment sur ça, sur lequel il y a une tarajuhat Al-Albani, sur les faits, les choses où Cheikh Al-Albani il est revenu dessus, sur les jugements de hadith ou bien les jugements de la jurisprudence et autres, dans lesquels il est revenu. Donc, Inch'Allah, le fait de se contenter, de dire wa alaykum assalam wa rahmatullah wa barakatuh, c'est ça qui est demandé dans la sunna, wa maghfiratuh, c'est une ziyada qui n'a pas lieu d'être, même dans la sunna et surtout dans le rad de salam, comme nous l'a évoqué, Cheikh Yahya hafizahullah ta'ala. Donc, c'est un petit tanbih par rapport à maghfiratuh. On nasa Allah an yuffiq al jami' li tamassuk bi sunna an nabawiyya على صاحبها أفضل الصلاة والتسليم. Donc on a pu voir la semaine dernière الركوع. On a pu voir que الركوع c'était le fait d'immensifier Allah subhanahu wa ta'ala. عليكم ورحمة الله وبركاته. Je n'ai pas compris dans le dernier cours. Tu as dit que non. C'est vrai qu'on avait dit que s'il y avait des questions à poser, S'il y avait des questions à poser, comme c'était le moment de l'adhan, donc ceux qui avaient des questions à poser, il y a de fadda. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je n'ai pas compris dans le dernier cours. Tu as dit que lorsque l'on fait le takbir dans l'un des deux endroits, on doit faire la prosternation des distractions. Naam. Tu dois faire la prosternation des distractions. Hatta certains ulama, ils ont dit que ceci annule la prière. Lakin, ce qu'Allah, il n'y a pas de dalil alayh. Lakin, pourquoi on a dit que il faut qu'il ramène un sujud de sahou, prosternation des distractions, car là, lorsqu'il dit Allahu Akbar dans l'un des deux endroits, c'est-à-dire pas dans l'endroit où il est légiféré, c'est comme si jamais il avait délaissé le fait de dire Allahu Akbar. Car ce takbir-là, c'est takbir al-intiqal, c'est-à-dire tu dois le dire au moment où tu te déplaces. C'est-à-dire si jamais il n'est pas dit, c'est-à-dire il est fait dans le ruku', mathalan, je suis debout après l'arrestation. Non, mathalan, tu es en train, parce que ce qui est voulu, avant l'endroit, c'est quoi, Barclofik? C'est la récitation. Si jamais tu le dis directement avec la récitation, ou plutôt quelqu'un qui a lu une sourate après, on va dire, après Al-Fatiha, et il dit Allahu Akbar de manière où qui colle son Allah, son takbir, comme si jamais il fait partie de la récitation. Comme on a pu le voir, le fait que tu marques un temps d'arrêt dans la récitation, c'est qu'une chose, même si jamais c'était pas venu de la sunnah, ça n'a pas été authentifié, tu dois marquer un temps d'arrêt, le fait que tu reprennes ta respiration pour aller, comment ça s'appelle, au takbir. C'est-à-dire qu'ils disent, au partir du moment, tu dois dire Allahu Akbar à partir du moment où tu veux aller en ruku'. Lorsque tu intentionnes d'aller en ruku', c'est à ce moment-là que tu dis Allahu Akbar. Vraiment, si jamais tu es debout et tu veux le dire au moment où tu commences à aller en ruku'. Au moment où tu veux aller en ruku', tu veux commencer à descendre en ruku'. À ce moment-là, il était légiféré de dire Allahu Akbar. Jusqu'à ce que tu atteignes, avant que tu atteignes le record, que tu sois dans le record. Donc ça veut dire que avant le moment où tu intentionnes de descendre, ou bien tu commences à descendre au record, et pendant le record, si jamais tu dis Allahu Akbar dans ces deux endroits-là, c'est comme si jamais tu n'avais pas dit Allahu Akbar dans l'endroit qui est légiféré, il y en a de déplacement. Dans l'endroit de déplacement qui est légiféré pour ça. C'est comme si jamais tu l'avais délaissé, et comme on a pu le voir, c'est takbirat de l'intiqalat. Des intiqalat dans la salah, c'est une chose qui est obligatoire. Lorsque tu laisses une chose qui est obligatoire, le fait que tu ne le dis pas à ce moment-là, c'est comme si tu avais délaissé. Si jamais tu ne le dis pas, plutôt lorsque si jamais tu délaisses une chose obligatoire, on va le voir, Inch'Allah, ça se comble l'année par quoi? Sujoud et sahou. Cette chose-là va combler le fait que tu n'as pas ramené cette obligation-là. Fahimt? Oui, d'accord. Y avait-il d'autres questions avant qu'on commence la révision? Inch'Allah, on commence la révision. Donc, comme je disais, al-ruku', c'est le fait de, comme on a pu voir, c'était le fait de d'immensifier Allah subhanahu wa ta'ala. Immensifier Allah subhanahu wa ta'ala dans al-ruku', qu'est-ce que ça comprend? Par la parole et l'acte des membres. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, wa qala al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, amma al-ruku' fa'azzimu fihi al-Rabb. Quant al-ruku', immensifier Allah subhanahu wa ta'ala, Sheikh al-Uthaymeen, rahmatullahi alayhi kima. Il l'a dit dans Sharh al-Mumti' les Zad al-Mustaqni, que le fait que tu dis Subhanallah, Subhanallah Rabbi al-Azim, ça c'est une formule de vénération et d'immensification. Et le fait que tu sois en ruku', ça aussi, kadalika, le membre, lorsqu'ils sont en ruku', comme on va le voir kadalika dans les adhkar de ruku', ça montre kadalika que tu es en train de vénérer Allah Azzawajal. Hatta, c'est connu chez les grands de ce monde-là. Lorsqu'ils veulent honorer une personne, ils s'inclinent un peu. Ils s'inclinent pour embrasser la main ou ceci, cela. Et ça, c'est connu, c'est une forme de respect et tout ça, mais qui n'a pas lieu d'être, car Allah subhanahu wa ta'ala قال لا تسجد الشمس ولا للقمر واسجدوا لله واسجدوا لله معروف السجود يطلق ذلك على الانحناء. Donc, c'est une chose qui n'a pas lieu d'être, qui est Allah azawajal. Par les mêmes choses qu'on a pu voir, comme on a pu l'évoquer dans la question, le fait de marquer un temps d'arrêt, on a pu le voir que ça c'est une chose qui n'est pas authentifiée. Il est venu un hadith, lakin da'if, il n'est pas authentique. Le hadith n'est pas authentique dans cela. Donc il y a le fait d'attentionner quel est le jugement de celui qui a intentionné, après sa lecture, de marquer un temps d'arrêt en pensant que ceci est sunnah. Quel est le jugement de cet acte-là? Ça c'est une bid'a. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a pas fait. Wal aslu fil ibada, c'est le man'a. La base dans l'adoration, c'est que quoi? Tu t'abstiens de faire une chose jusqu'à ce que le dalil il te permette de faire la chose. Donc le fait de faire une chose et te rapprocher vers Allah Azzawajal par une chose qui n'est pas légiférée, ceci est le jugement d'une bid'ah. Ça s'appelle une bid'ah. Naam. Il nous a dit kadhalika que avec le takbir, ou plutôt dans le recours, il est légiféré de lever les mains. Tamam. Et on a pu le voir aussi par rapport à cela qu'il y a plusieurs manières de pouvoir lever les mains pour takbirati al-intiqal, qui se rappellent des moyens qui sont légiférés pour lever les mains. Les doigts tendus, c'est comme le takbir de l'ihram. Tu peux faire avant, pendant et après le takbir. Tu peux lever les mains au moment où tu dis Allahu Akbar et tu veux descendre. Tamam. Tu as fait takbir et tu le dis après ou bien kadhalika avant. Tamam. Tout cela est légiféré. Tout cela est légiféré. Et on a pu le voir kadhalika au niveau comment on doit lever les mains. Même si jamais le participant neuf a répondu, mais Inch'Allah, on veut détailler histoire de se rappeler Inch'Allah que cette connaissance-là soit fortifiée. De plus en plus. Jusqu'où il faut lever la main? Naam. Entre les épaules et les oreilles. Ça, c'est un col de l'imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala. Ou bien, comme on a pu le voir, jusqu'aux épaules, tamam, ou bien jusqu'au lobe des oreilles. Et ce qui fait entre les deux, Inch'Allah, la basbi. La basbi. Il nous a dit كذلك بعد ذلك يعني يكبر وهو واجب. يكبر وهو واجب. Quel est le dalil qui nous prouve qu'il faut faire le takbir pendant pour le rukou', pour aller au rukou'? Qui se rappelle du dalil? Non, celui qui ne savait pas bien prier. Il y a un hadith concernant celui qui ne savait pas prier. Dans le hadith de celui qui ne savait pas prier. Dans le hadith de celui qui ne savait pas prier, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a ordonné de faire le takbir. Il dit dans le sens. Fais le takbir et ensuite va en rukou'. Yani, incline-toi. Et comme on a pu le voir, ou plutôt Cheikh Al-Albani, on dit que le jugement de cela, le faire le takbir, c'est une obligation. Alors qu'on a pu le voir, comme on a évoqué l'imam Ibn Rajab, rahimahullah ta'ala, que toutes les choses qui sont évoquées dans le hadith de celui qui ne savait pas prier, c'est quoi? C'est un pilier. Il nous dit toutes les choses énoncées dans ce hadith font partie des piliers. Donc comment on peut juger que c'est une obligation alors qu'on a pu voir que ces choses-là, c'est un pilier? Quelle est la chose qui dévie, qui a fait dévier l'obligation, ou plutôt le pilier vers l'obligation? Naam. Car le professeur Salam, il avait fait la prosternation de la distraction quand il avait oublié de faire le premier tachahoud. Donc ceci nous prouve que c'est pas, donc, cette absence peut être compensée. Naam. Et comme on le sait, sous de ça, la prosternation de distraction, elle ne compense pas et elle ne comble pas une chose, il y en a qui fait partie des piliers. Le pilier, si jamais tu l'as loupé, tu es obligé de recommencer la raka'a. Parce qu'elle annule l'unité de prière. Amma al-wajib, comme on a pu le voir, il y en a dans la préface du résumé, c'est pas une chose qui forcément peut annuler quoi, la prière, et kadalika, ni l'unité de la prière. Donc, le fait que ça peut être comblé et compensé, ça nous prouve que c'est pas un pilier, mais une obligation. Arsante. Donc, il nous dit, il y a un Cheikh Al-Albani, qu'après cela, il fait un recours, et tous ses membres doivent être comment ça s'appelle stable, doivent être stable. Et il nous dit kadhalika wa ya'khudh kullu 'udwin ma akhadha, c'est-à-dire que il doit sentir une aisance lorsqu'il est en inclinaison. Et il nous dit et ceci est un rukn, ça fait partie des piliers de la prière. Quel est le dalil qui prouve que le fait d'être apaisé dans le rukou', ça fait partie des piliers de la prière? Le hadith incomplet sera la prière de celui qui est quoi? Naam. Ahsanta. Naam. Qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam la tujri salatun la yuqimu ar-rajul sulbahu fiha fi ar-ruku' wa as-sujud. Naam. Naam, hadha huwa. Bas yani je voulais vous rappeler du terme yani afin que je l'oublie pas le hadith. La tujri salatun la yuqimu ar-rajul sulbahu fiha fi ar-ruku' wa as-sujud. Incomplet sera la prière de celui qui n'aura pas, sera pas stabilisé ou stabiliser son dos pendant le recours ou le sujoud. Donc le fait de stabiliser, yani, ça demande que tu sois apaisé. Ça demande que tu sois apaisé. Kataleka, comme on avait dit, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, naham, yayuha alladhina amanu, irka'u wa sujoud. Wa kataleka, qu'Allah nabi sallam, il y a un hadith qui est plus clair à ce sujet-là, c'est celui-là dans lequel il a ordonner aux celui qui ne savait pas prier, ثم ركع حتى تطمئن ساجدا. Raki'an plutôt. L'imam Abu Hanifa, rahimahullah ta'ala, il voit que le fait de d'être apposé dans le recours, ce n'est pas une obligation. Il a pris pour cela la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, « Yayuh ladhima amanu erka'u » ou « Ustudu warka'u » ou « Ustudu warka'u » ou « Vous qui croyez, prosternez-vous et inclinez-vous. » Il nous a dit, là, ça n'a pas été évoqué, le fait d'être apesé dans le recours. Allah subhanahu wa ta'ala dit, « Prosternez-vous et inclinez-vous. » Comment on répond à l'argument de Abu Hanifa avec ce hadith-là? Le hadith-là, كذلك ثم ركع حتى تطمئن راكعا. Ensuite, va en recours jusqu'à ce que tu sois pesé dans le recours. Donc, comme l'a dit Ibn Qudamah rahimahullah ta'ala, la sunna a l'éclairci le Coran, كذلك il éclaircit la sunna. وما آتاكم الرسول فخذوه. Et les choses que le prophète vous a données, faites-le, تمام فخذوه. Il vient pour nous expliquer le kitab. وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ السُنَّةِ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمَ الْكِتَابِ وَلَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. Nous t'avons descendu sur toi la sunnah afin que tu éclaircies ce qui leur a été révélé, qui est le Coran. En gros, c'était ça la parole de Ibn Qudamah tourne autour de cela. Il n'y a pas de convaincre. Le fait que Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ou Allah, il évoque une chose de manière générale et que Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam la spécifie, le spécifié doit être. Où il est précédé à une chose qui est globale. Tamam. Au fait, elle vient expliquer. Tamam. Donc, Inch'Allah, Raji', comme l'ont dit la plupart des savants, c'est que le fait d'être mutma'in dans la recours, c'est-à-dire, et comme on avait évoqué, quelle est la moindre mesure afin de pouvoir juger du recours de l'inclinaison, yani qu'il a été observé, il a été observé dedans, la tranquillité et l'apaisement. À partir de quel moment on peut juger que l'inclinaison, ou plutôt l'aisance et l'apaisement, il a été observé dans l'inclinaison. Si vous vous rappelez, on avait ramené la parole du Cheikh, restez suffisamment de temps pour pouvoir dire le zikr avec méditation. C'est-à-dire, tu récites Subhanallah, tu le dis une fois. Le fait que tu dis Subhana Rabbi al-Azim, ceci te suffit pour que. Pour qu'on puisse juger que t'as, en premier lieu, tu t'es conformé à la parole du Prophète sallam, fa'azzimu fihi ar-Rabb. Fa'azzimu fihi ar-Rabb. Le fait que tu as honoré ou plutôt vénéré Allah Azza wa Jalla en disant Subhana Rabbi al-Azim, tu t'es conformé à l'ordre du Prophète sallam, qui nous dit fa'azzimu fihi ar-Rabb. Vénérer Allah Azza wa Jalla dans l'inclinaison. Le fait que tu le dises une fois, tu t'es conformé à l'ordre. Donc le fait qu'Allah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dit fa'adhim fi ar-rab, ça veut dire que c'est suffisant, même si tu as dit une fois, pour que tu puisses te relever. Et non pas comme l'a dit l'imam Abu Hanifa, comme le font un peu les coqs et les poules, de pigurer, c'est-à-dire le simple fait que tu es descendu, tu remontes directement. Non, c'est pas comme ça. Il faut qu'au moins tu aies dit une fois Subhana Rabbi al-Azim. Naam. Comme l'a évoqué Cheikh Mohammed ibn Hizam, hafizahu Allah ta'ala, dans Fath al-Allam, fi dirasati بلوغ المرام إن شاء الله ندخل في الدرس اليوم قال رحمه الله تعالى كيفية الركوع donc la description du recours comment doit être fait l'inclinaison قال رحمه الله تعالى نعم قبل ذلك الشيخ الألباني بتوال العثيمين رحمه الله تعالى il nous fait part d'une belle faïda qui est par rapport aux personnes que tu vois faire des fois des efforts d'interprétation. Il recherche à travers cela le bien. Et qu'il comme a dit Ibn Mas'ud, radiyallahu ta'ala anhu, kam min murid al-khair la yudrikuhu. Combien de personnes veulent faire le bien, mais hélas, ils n'arrivent pas à le faire. Faire le bien, c'est une chose. Et d'être conformé au suivi du Prophète sallam, lorsque tu souhaites ce bien-là, c'est une deuxième chose. Monsieur, tu souhaites le bien, et tu ne te conformes pas à la guidée du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un mal. Il nous dit certains imams, ils ont des efforts d'interprétation qui n'ont pas lieu d'être. C'est-à-dire, مثلاً, dans le ruku', ou plutôt dans le takbir, lorsque tu vas aller en ruku', tu leur dis pourquoi tu fais takbir et tu es en sujoud, plutôt tu es en ruku'. Il te dit afin que ceux qui me suivent ne me précèdent pas dans la prière. Car si je dis Allahu Akbar, je suis debout, ils vont me précéder directement dans le ruku'. Comme c'est le cas de certains awam, de certains gens de la masse. ils ont une certaine précipitation dans la prière qui les amène et aboutit à ce qu'ils précède l'imam. لكن كما قال الشيخ الألباني أو الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى là tu es en train de faire précéder la prière des autres sur la tienne, parce que là tu laisses une obligation pour yani les autres. Normalement la personne a ce droit de faire les choses afin de préserver sa salat, afin qu'elle soit conforme à celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, afin qu'elle soit conforme à celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc là tu cites salatak li ghayrik, ne va pas nuire à ta prière pour les autres, ne nuit pas à ta prière pour les autres, comme l'a dit l'imam al-Uthaymin rahimahullah ta'ala. Si ceux qui sont suivis te précèdent, ça c'est leur problème. Si toi tu n'as que tu peux que les conseiller, leur faire le rappel. Le prophète a dit innama ju'ala al-imam yutam nabi fala takhtalifu alayh. Tu peux faire que ça pour eux, c'est-à-dire tu leur présentes l'anasiha, le conseil. S'il accepte, alhamdoulillah, s'il accepte pas, fala yalumman illa anfusahum. Donc ils peuvent se plaindre qu'à eux-mêmes. Amma, que tu nuises à ta prière pour les autres, ça c'est une chose qui ne doit pas être. Tu ne dois pas faire cela et tu dois préserver ta prière en premier lieu. Qu'un anfusakum wa ahlikum nar. Préservez-vous en premier lieu, ensuite vos familles de l'enfer. Donc il faut que tu sauves awalen ta personne avant de vouloir sauver les autres tout en nuisant à ta personne. La personne ne doit pas se nuire à lui-même pour et nous au dépit des autres. La niya, ça ne suffit pas. Les bonnes intentions, elles ne suffit pas. Le prophète sallam qui était arhamun nas, qui était le plus clément, le plus qui a plus de compassion pour sa communauté, il nous a appris comment faire la prière et il a donné des règles à respecter pour l'imam et pour celui qui est présidé. Donc chacun des deux doit s'en tenir. Et il a qualifié ces personnes-là qui ont des efforts d'interprétation de telles comme des personnes qui ont un ijtihad ou plutôt des personnes qui sont jahil, jahlan murakkab. Ce sont des ignorants et kizafa qui sont ignorants. Des ignorants qui ignorent eux-mêmes qui sont ignorants. Ça c'était la petite faïda avant qu'on commence le dars, incha'Allah. تعالى قال رحمه الله تعالى ويدع يديه على ركبتي et nous dit Cheikh Al-Albani رحمه الله تعالى ensuite يعني il pose ses mains lorsqu'il s'est mis en inclinaison, il pose ses mains sur ses genoux, il doit poser ses mains sur ses genoux. وهذه هي السنة الأخيرة, يعني c'est la dernière chose qu'il aurait été demandé de faire pendant la prière, car avant cela ceux qui priaient ils mettaient leurs mains pendant le recours, soit entre leurs genoux ou bien soit entre leurs cuisses. Ensuite, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam a interdit cela et ça a été aboli. Puis il leur a ordonné de mettre leurs mains sur les genoux, de mettre leurs mains sur les genoux. كما ثبت ذلك من حديث مصحابه ابن سعد متفق عليه قال صليت إلى جنب أبي فطبقت بين كفي ثم وضعتهما بين فخذي فنهاني أبي وفي الرواية فضرب يدي وقال كنا نفعله فنهينا عنه وأمرنا أن نضع أيدينا على الركبة متفق عليه. Dans ce hadith authentique rapporté par Bukhari et Muslim, Mus'ab ibn Sa'd rahimahullah ta'ala nous dit: un jour j'ai prié à côté de mon père qui était Sa'd ibn Waqqas radiyallahu ta'ala anhu. Il dit: j'ai prié à côté de mon père et je me suis mis à joindre mes mains et les mettre entre mes cuisses pendant le recours. Il dit: mon père m'a interdit cela, et dans une version, il a tapé sur ma main, afin de me dire de ne pas faire ça, c'est-à-dire mettre les mains entre les cuisses ou bien entre les genoux. قَالَ كُنَّا نَفْحَذَ ذَلِكَ. Avant, nous faisions cela, mais le prophète sallam nous l'a interdit, ou on nous l'a interdit, et ensuite on nous a ordonné de mettre nos mains sur nos genoux pendant al-ruku'. Donc le fait qu'il nous dit nuhina, on nous a interdit, et umirna, on nous a ordonné, c'est ma'ruf, lorsque le sahabi, il dit on nous a interdit, et on nous a ordonné, il veut dire par là que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, car il n'y avait aucune personne qui leur ordonnait et qui leur interdisait en dehors du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc lorsqu'il dit ça, c'est comme si jamais il avait dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit cela et ordonné cela. Donc ceci nous prouve que le fait de mettre les mains entre les cuisses ou bien le genou, c'est une chose qui est abolie. Il n'y a plus de dettre, c'est une chose qui est abolie. La sunna, c'est que tu mettes ta main sur, ou plutôt c'est pas la sunna, c'est une obligation que tu mettes ta main sur tes genoux. On nous a ordonné de mettre nos mains sur nos genoux. Donc ceci nous prouve que c'est une obligation, car comme on a dit, un ordre, à partir du moment qu'il ne prouve pas le contraire, c'est-à-dire qu'il dérive son obligation vers une chose qui est recommandée, il doit rester tel quel, c'est-à-dire c'est un wajib. قال رحمه الله تعالى ou plutôt قبل ذلك, quel est le sens voulu par les mains, tamam, parce qu'il nous a dit وَأُمِرْنَا أَنْ نَضَعْ أَيْدِينَا عَلَى الرُّكَابِ. Car comme on peut le voir, les mains dans l'islam, ça peut être, comme on a dit, du bout des doigts jusqu'à, peut-être des fois même l'épaule, du bout des doigts jusqu'à le coude, et la, du bout des doigts jusqu'au poignet. Donc quelle est la chose qui est demandée de mettre sur les genoux, tamam, c'est la paume des mains. C'est la paume des mains. Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala nous dit ce qui est voulu par les mains dans ce hadith là, le hadith précédemment cité, c'est la paume des mains. Car il dit la main, lorsqu'elle est énoncée dans l'islam, même dans le char, dans la législation islamique, il y a ni le mourad bihi, ce qui est voulu c'est quoi? La paume des mains. Et il dit la preuve qui nous prouve cela, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a ordonné dans le wudu, il a dit farsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq. Donc lavez vos visages et vos mains jusqu'au coude. Il nous a dit, Cheikh Al-Albani, Al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, le fait qu'il a évoqué les mains, puis il a restreint par le fait de dire jusqu'au coude, ceci nous prouve que lorsque la main elle est restreinte à une chose, yani, la restriction sera telle que, ou plutôt le sens de la main sera tel que elle sera restreinte dans l'énoncé. Comme là c'est le cas, c'est pas, qu'est-ce qui est voulu ici, c'est pas dans ce verset-là, c'est pas du bout des doigts jusqu'au poignet, mais c'est du bout des doigts jusqu'au bartlofikum, jusqu'au coude, parce que ça a été restreint jusqu'au coude. Donc le sens de la main, lorsqu'il est restreint dans l'islam, il aura le sens de la chose sur laquelle il est restreint, tamam. C'est-à-dire que là, il y en a, comme on peut dire en français, c'est l'avant-bras, tamam. As-sa'id, comme ils disent bil arabiya. Et si jamais, dans l'énoncé, ou on trouve dans un énoncé, que le terme des mains ou bien la main, elle n'est pas bartlofikum, restreint une chose, donc le sens qui est voulu, comme l'a dit Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, ceci c'est une règle, c'est une qa'ida, comme on l'a dit, c'est il y a du bout des doigts, tamam, du majeur, du bout de du majeur jusqu'au poignet, c'est-à-dire les paumes de la main. Tamam, la paume de la main. Ça c'est une fa'ida, tamam, à prendre en compte, inshallah, lorsque tu es confronté à l'énoncé où il est évoqué le mot main. Tamam, mathalan, si jamais on prend comme exemple, qawlu subhanahu wa ta'ala, faqata'u aydiyahuma, coupez-leur leurs mains. Pour celui qui a volé. Qu'est-ce qui est voulu par la main ici? Qui peut répondre? Du poignet. C'est-à-dire, du bout des doigts jusqu'au poignet. Pourquoi? Participant 85 ou bien 9, un de vous deux, ou bien vous deux. Pourquoi vous n'avez pas dit, mathalan, le bras ou l'avant-bras, ou bien. Parce que ce n'est pas restreint ici. Il a dit, faqata'u aydiyahuma. Coupez-leur les mains. Donc le fait que ça n'a pas été restreint, donc c'est le sens qui est voulu, c'est la paume, c'est-à-dire du bout des doigts jusqu'au poignet. قال رحمه الله تعالى قال ويمكنهما من ربتيه. Il nous dit il doit bien les placer sur ses genoux. Il doit bien les placer, c'est-à-dire ses mains sur son genou, c'est-à-dire يمكنهما, il les place bien sur ses genoux, de manière qu'ils soient stabilisés par ses mains sur ses genoux. La preuve qu'il prouve cela, hadith Abi Humayd al-Sa'idi رضي الله تعالى عنه عند الإمام البخاري نعم رحمة الله عليه ذكر عنده صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وصفها فقال إلى أن قال إذا ركع أمكن يدي من الركبتين. إنه زدي السعد أبتوا أبي حميد السعدي رحمه الله رضي الله تعالى عنه lorsqu'il lui a été évoqué la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit c'est moi qui d'entre vous qui l'ai mieux mémorisé. Et ensuite il s'est mis à expliquer la salat du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'au moment où il a dit إذا ركع أمكن يديه من الركبتين. Et lorsqu'il allait en recours, tamam, il plaçait bien ses mains de manière à qu'il soit stabilisé sur quoi? Sur ses genoux, tamam. Donc ceci nous prouve que il faut le faire, tamam, il faut le faire. Et ceci, comme on va l'expliquer Cheikh Al-Albani, ça fait partie des wajibat. Le fait d'être stabilisé sur ses genoux et l'akhirat, ça fait partie des choses qui sont obligatoires, comme on va le voir à la fin, inshallah. قال رحمه الله تعالى ويفرج بين أصابعه. Il nous dit, كذلك parmi les sifat les caractéristiques, la description du rukou, il faut que kadhalika la main, après qu'elle soit stabilisée, enfin, il faut que kadhalika les doigts, ils soient écartés. C'est-à-dire, ni tu, il faut pas que, comment s'appelle les doigts, entre eux, même, ils soient réunis, ils soient joints. Il faut que tu écartes, il farrij, c'est-à-dire d'écarter, qu'il y ait un espace entre eux, tes doigts, il farrij baina asabi'a. Et le dalil que nous prouve cela, hadith Wa'il ibn Hujr, عند الإمام ابن خزيمة وصححه شيخ الألباني رحمه الله تعالى ورحم الجميع قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع فرج أصابعه. Le prophète صلى الله عليه وسلم lorsqu'il était en recours il écartait ses doigts. Donc ceci nous prouve que النبي صلى الله عليه وسلم le faisait, donc il faut le faire. وقال رحمه الله تعالى كأنه قابض على ركبتيه. كذلك ça c'est une caractéristique qui est à peu près similaire au fait de stabiliser ses mains unies sur le genou. Et la preuve qui nous prouve cela, كذلك حديث أبي حميد الساعدي عند الإمام أبي داود رحمه الله تعالى قال أنا أعلمكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم فوصف صلاته ثم وضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما. Il nous dit, Abu Humayd al-Sa'idi radiyallahu ta'ala anhu, et ce hadith il a été authentifié par Sheikh al-Albani rahmatullahi alayhi. Il nous dit, je suis la personne qui connaît mieux la prière, qui est plus informée sur la prière du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Ensuite il a décrit la prière et il a mis ses mains sur ses genoux comme si jamais il était en train de prendre ses genoux, comme si jamais il prenait ses genoux. C'est-à-dire qu'il ne faut pas mettre ses mains à plat de manière à ce que tu glisses. C'est un peu comme la première, ou plutôt le premier hadith qu'on a évoqué, dans lequel il dit amkana yaday ala rukbatay. Il s'est stabilisé. C'est-à-dire que les mains ne doivent pas être de manière à ce que la personne glisse. Tu ne dois pas placer tes mains à plat sur tes genoux, comme si jamais tu tenais tes genoux. Comme si tu tenais tes genoux pour que tu sois bien stabilisé dans ton recours, sans oublier d'écarter les doigts pour cela. Il nous dit, رحمه الله تعالى, وهذا كله واجب. Il nous dit, tout cela, il fait partie des obligations, comme cela est venu. Il y a un hadith qui est venu sur cela, que Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a ordonné cela, lakin il est daif. جاء عند الإمام ابن خزيمة من حديث عقبة بن عمر أنه أمر المصلي صلاته لكن الحديث فيه ضعيف أنه أمره أنه يقبض على الركبتين وإلى آخره لكن هذه الأحاديث ضعيفة. Car dans la chaîne de transmission, il y a un rapporteur qui s'appelle Atta ibn Sa'ib, et c'est quelqu'un qui est mortal, c'est-à-dire qui avait un peu perdu la raison dû à sa vieillesse. C'est-à-dire que lorsqu'il rapportait la hadith, il ne rapportait pas avec une mémorisation qui est conditionnée afin qu'on puisse juger de l'authenticité du hadith. Donc le fait qu'on trouve une personne telle dans une chaîne de transmission, le hadith est jugé qu'il est daif. Le hadith est jugé qu'il est ضعيف. Donc le fait de faire toutes ces choses-là, wallahu a'lam, c'est-à-dire d'écarter les mains, ou plutôt écarter les doigts, à partir du moment qu'on ne connaît pas une obligation par rapport à cela, et qu'on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait, on ne peut pas juger de ces choses-là que c'est une obligation, même si le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, priez comme vous m'avez prié, lakin si on prenait ce hadith-là, on venait à l'appliquer sur toutes les choses de la prière, ça veut dire qu'on donnerait toutes les choses, ça voudrait dire qu'on juge qu'il n'y a pas de choses recommandées dans la prière, là, qu'il y a des choses qui sont recommandées dans la prière. Donc, Allah a'lam, l'avis qui paraît le plus juste, c'est de dire que c'est recommandé. Tout cela est recommandé car on ne connaît pas de preuves qui ordonnent cela. Toutes les preuves qui sont venues sont des descriptifs de la prière du Prophète sallam qui faisait ceci, qui faisait cela, sans pour autant être évoqué dans ses énoncés l'ordre. Donc, on ne peut pas juger d'une chose qui est obligatoire à partir du moment qu'on n'a pas la preuve pour cela. Bon, il y a une preuve, lakin, elle est ضعيفة, comme on a pu le voir, elle n'est pas authentique. قال رحمه الله تعالى ويمد ظهره ويبسطه حتى لو صب عليه الماء لاستقر وهو واجب ولا يخفض رأسه ولا يرفعه ولكن يجعله مساويا لظهره. Il nous dit Cheikh Al-Albani حفظه رحمه الله تعالى. Ensuite, après qu'il a pris cette posture de se stabiliser sur ses genoux, il doit allonger son dos. Il doit allonger son dos de manière à ce que si jamais on venait à déverser de l'eau sur son dos, l'eau elle aurait été stagnante, elle n'aurait pas bougé, elle n'aurait pas coulé de son dos, pour montrer que le dos doit être vraiment rectiligne Il ne doit pas être ni bossu et ni, de manière comme on a pu le voir, ni comme un arc et ni comme une courbe, même courbé. Ni courbé et comme et ni arqué. Il nous dit wala yakhfad ra'sah wala yarfah. Ni il lève sa tête et ni il la descend, plutôt ni il descend sa tête et ni il monte sa tête. Lakin yaj'aluhu musawiyan dhahri. Il doit le mettre yani rectiligne comme sa tête, ou plutôt comme son dos. Son dos et sa tête doivent être de manière rectiligne, tamam? Doivent être de manière rectiligne. Les preuves qui nous prouvent cela, hadith Rifa'a ibn Rafi' inda Abi Dawud, lorsqu'il a yani jaa hadith zahiruhu al-husn wa hassanahu Sheikh al-Albani rahimahullahu ta'ala an Rifa'a ibn Rafi' inda Imam Abi Dawud رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمصلي صلاته امضض وامضض ظهرك وامضض ظهرك. Donc ce hadith authentique qualifié de fiable, yani hassan, par l'imam al-Albani selon Rifa'a ibn Rafi' rapporté par l'imam Abu Dawud رحمه الله تعالى, il a évoqué que le Nabi صلى الله عليه وسلم aurait, ou plutôt le Nabi صلى الله عليه وسلم a évoqué à celui qui ne savait pas prier yani d'allonger son dos pendant un recours, d'allonger son dos pendant un recours. Donc ceci nous prouve ce qu'a dit le prophète Cheikh al-Albani, وَيَمُوْ ظَهْرَهُ وَيَبْسُطُهُ. Amal hadith dans lequel il a dit, ou plutôt yani, lorsqu'il a dit, si jamais on aurait versé de l'eau sur son dos, l'eau elle aurait été stagnante, c'est-à-dire elle ne serait pas déversée de son dos, elle n'aurait pas coulé. Il est venu un hadith dans ce sens-là, quand même, lakin il n'est pas authentique. Il n'est pas authentique. Yani hadith, حَتَّى لَوْ صَبَّ عَلَيْهِ الْمَا لَسْتَقَرَّ. Dans la chaîne de transmission de ce hadith-là, dans lequel il dit, si jamais on aurait versé de l'eau sur son dos, et sur le dos du prophète sallam, l'eau aurait été stagnante. Elle n'aurait pas coulé. Dans cette chaîne de transmission-là, il y a un rapporteur qui s'appelle Talha ibn Zayd. C'est quelqu'un qui est munkar hadith, comme l'a dit l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala. Le fait qu'il nous dise, l'imam al-Albani, ou plutôt l'imam al-Bukhari, que ce rapporteur est munkar al-hadith, c'est-à-dire que ces hadiths ne sont pas à prendre en compte. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le prendre même avec un autre hadith qui est daif pour le fortifier. C'est un hadith, yani que, comme l'a dit l'imam Ahmed, al-munkaru abadan munkar, un hadith qui est munkar, qui est rejeté. Comme l'a dit l'imam Ahmed, c'est une chose qui est rejetée, tu ne peux pas la rectifier. Une chose qui est rejetée, qui est munkar, qui est réprimandée, tamam, tu ne peux pas, barakallahu fikum, la rectifié. Et قال الامام ابن مديني sur cette personne là يضع حديث يعني, il nous disait que c'était un menteur, quelqu'un qui forgeait des mensonges lorsqu'il rapportait des hadiths. Tamam, donc une personne qui est qualifiée de la sorte, on ne peut pas juger de ce hadith là qui est authentique. Tamam, au contraire, c'est un hadith qui est yani très très faible, un hadith qui est très très faible. Donc yani hatta law sub alayhi al ma lastaqarra, si jamais on lui aurait versé de l'eau sur son dos, l'eau aurait été rester sur son dos, ce hadith-là, il est da'if. Lakin, al-ma'na al-sahih. Al-ma'na al-sahih. Et ce qui remplace cela, le hadith Aïcha, عند l'imam muslim, rahimahullah ta'ala, comme on a pu l'évoquer dans le cours du lundi dernier, أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع لم يشخص رأسه ويصوبه. Le prophète صلى الله عليه وسلم, lorsqu'il était en recours, ni il levait sa tête, et ni kadalika, il a descendu. Ceci nous prouve que, comme l'a dit l'imam Cheikh al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, c'est-à-dire que ni son dos était courbé, et ni kazalika son dos était, barakallahu fikum, en arc, ni courbé vers le haut, na'am, et courbé vers le bas, jazakallahu khairan. Qala wa la yakhfad ra'sahu wa la yarfa'u, comme on a pu le voir dans le hadith Aïcha. Tamam, kana nabi sallam, idha raka'a lam yushkhis ra'sahu wa yusawwibuh, ni levé sa tête et ni la descendait. Comme il a dit Cheikh al-Albani, rectiligne. Ça doit être, comment ça s'appelle, comme son dos, il doit être droit. C'est une obligation, comme l'a été évoqué dans le hadith, yani lorsque le prophète lui a dit wamdub waharak, wamdub waharak. Lakin, Cheikh al-Bani, il a évoqué que ce hadith-là, il a été évoqué pour celui qui ne savait pas prier. Lakin, j'ai pas, dans le texte du hadith, j'ai pas vu que le hadith ait été adressé à cette personne-là. Car c'est un ishkal, c'est un problème de juger que le fait que tu mettes ton dos droit, c'est une obligation, alors qu'on sait que ces hadiths-là, ils font partie des choses qui sont énoncées dans le hadith Moussia Salah, dans lequel il a ramené l'ijma' l'imam Ibn Rajab que tous les énoncés de ce hadith, tout ce qui est énoncé dans ce hadith-là, ça fait partie des piliers. Donc si jamais ça aurait été le cas, comment on aurait pu juger que c'est une obligation, alors qu'on a pu voir que Bélijmer, c'est des choses qui sont, qui fait partie des piliers, à partir du moment qu'il n'y a pas de preuve qui dévie le pilier vers l'obligation, comme c'est le cas de, comme c'est le cas, comme on avait pu le voir, du At-Takbir. Takbiratu al-Intiqal. Donc, Allah alam, il a ordonné à une personne, d'allonger son dos. Que son dos soit droit, qu'il soit allongé. Le fait qu'il lui ordonne, c'est une obligation. Maintenant, est-ce que ce hadith a été adressé à celui qui ne savait pas prier ou pas? Wallahu ta'ala a'lam, en tout cas, même si on peut comprendre du hadith qu'il a évoqué, parce que lorsque tu réduis un petit peu les versions du hadith, et avec celles dans lesquelles M. Sassam l'a enseigné à celui qui ne savait pas prier, ça peut laisser entendre qu'il est laissé entendu à la personne à qui M. Sassam a fait le discours que c'est celui qui ne savait pas prier, là qu'il n'y a rien qui nous prouve cela. Totalement, et ce n'est pas connu d'aucun alim qu'ils ont dit que le fait que ton dos soit droit dans la prière, ou plutôt dans le recours, qui fait partie des piliers de la prière, qui fait partie des piliers de la prière. Donc, Wallahu ta'ala, a'lam. قال رحمه الله تعالى ويباعد مرفقي عن جانبيه. Il dit, Nabi sallam, ou plutôt il dit, lorsqu'il prie, la personne doit écarter ses coudes de ses hanches. Ses coudes de ses hanches. Tamam. Et le hadith qui nous prouve cela, عند الإمام النسائي رحمه الله تعالى عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه وصححه الشيخ مقبل رحمة الله عليه رحمة الأبرار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان أبتو أن نبي صلى الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى جخ يعني معنى جخ شيخ مقبل رحمه الله تعالى فتع عضديه Il nous dit dans ce hadith, plutôt il est dit dans ce hadith authentique, rapporté par l'imam Nasa'i selon Al-Bara ibn Azib, radiallahu ta'ala anhu, et authentifié par Cheikh Mokbel, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il priait, il écartait ses bras, c'est-à-dire qu'il écartait ses coudes de ses hanches, comme l'a expliqué Cheikh Mokbel, rahimahullahu ta'ala. Donc ceci fait partie de la sunnah, lorsque la personne est en recours, que ses coudes, c'est-à-dire le triceps et une petite partie le biceps, le triceps et une petite partie de l'avant-bras ne doivent pas être collés. Ne doivent pas être collés sur les hanches. Yani, la sunna, c'est que tu l'écartes. Le fait que tu fasses ça, yani, c'est khilaf sunna. C'est khilaf sunna. Ça n'annule pas la prière. Tu as ni commis un péché, lakin, tu n'as pas appliqué une sunna. Et le but, c'est qu'on ressort de la prière avec le maximum de récompenses. Et ça passe par cela. D'appliquer les sunan dans la prière. قال رحمه الله تعالى ويقول في ركوعه سبحان ربي العظيم ثلاث مرات أو أكثر. Et dans, il a fait une petite hachia, il a évoqué une petite annotation, Cheikh Al-Albani. قال وهناك أذكار أخرى تقال في هذا الركن منها الطويل ومنها المتوسط ومنها القصير تراجع في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم صفحة 32 و100 طبعة مكتبة المعارف. Et nous dit Cheikh Al-Albani, Rahimahullah Ta'ala, puis lorsqu'il a pris cette posture, c'est-à-dire qu'il a stabilisé ses mains sur ses genoux, qu'il a écarté ses doigts, qu'il a écarté ses coudes de ses hanches, qu'il a mis son dos de manière rectiligne, sa tête, kazalika, ensuite il lui est légiféré de vénérer Allah Subhanahu wa Ta'ala. Et le ruku', il a été légiféré afin que on vénère Allah Subhanahu wa Ta'ala, kama. قال شيخ الألباني والحديث يعني يدل على ذلك يعني ذلك ذلك en bas en annotation qu'il y a plusieurs أذكار qui nous prouvent cela on va les évoquer inshallah après cela donc يعني الركوع comme on a pu le voir dans le début ou plutôt dans le cours dernier dans la parole de Cheikh Al-Uthaymin c'est que tu vénères Allah Azza wa Jal comme on a pu le voir là c'était la vénération d'Allah Azza wa Jal par les membres maintenant on va passer à la vénération d'Allah Subhanahu wa Ta'ala par la langue qu'est-ce que tu dois dire pour vénérer Allah Azza wa Jal qu'est-ce qui était légiféré de faire et de dire pour te conformer à la guidée du professeur sallam lorsque tu es en recours. Amar recours, comme a dit le Nabi sallam, il nous a ordonné de vénérer Allah azza wa jalla. Faqala, comme fi hadith, le hadith il est rapporté par Muslim, amar recours, fa'azzimu fihi ar-rabb. Quant au recours, émancipez Allah subhanahu wa ta'ala dans vos recours. Et ceci passe par le fait de dire tamam subhana rabbi al-azim. Avant cela, le fait que le Nabi sallam dit fa'azzimu معنى عظموا تمام كما نجي شيخ العثيمين Rahimahullah ta'ala, qui en français veut dire émancipé, vénéré, il a akhirihi, il dit c'est le marna de dire at-tasbih, de dire subhana. Tamam, il dit subhana, tamam, le fait qu'il dit subhanallah, c'est bimarna atanzih, c'est le fait que tu exempts Allah azza wa jal des choses qui ne doivent pas lui être attribuées. Et il dit parmi ces choses-là, lorsque tu dis subhanallah, c'est que tu exemptes Allah subhanahu wa ta'ala, tu le purifies. Il y en a de tout défaut, tamam, de l'exempter de tout défaut, de manière générale ou bien, kazalika, dans sa perfection, comme l'a dit Cheikh Al-Albani, plutôt Cheikh Al-Uthaymin. Et c'est le fait, kazalika, de l'exempter, de l'attribuer quelconque semblable à Allah Azzawajal. Car le fait d'attribuer un semblable à Allah Azzawajal, on as'al Allah subhanahu wa ta'ala, lana wa lakum al-afiyya min thalik, yani c'est une chose qui est très grave. Et c'est une chose qui, c'est parmi yani, les plus grands défauts que. Il est attribué à Allah Azza wa Jalla. وحتى يعني جاء في كتب رحمه الله من قال ألم ترى أن الصيف ينقص قدره إذا قيل إن الصيف أنظى من العصا. Ne vois-tu pas que l'épée, يعني tu es en train de diminuer sa grandeur lorsque tu dis que l'épée, tamam, elle est plus tranchante que le bâton. L'épée elle est plus tranchante que le bâton. Le bâton, aslan, yani, c'est pas une chose qui est tranchante. Lakin, le fait que tu dis ça, c'est une manière de quoi ? De diminuer la valeur de l'épée. Tamam ? Et c'est pareil pour Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal n'a pas de semblable. Comme l'épée, plutôt le bâton, il n'est pas semblable à l'épée dans la manière de trancher. Tamam ? Ou plutôt dans le fait que on peut qualifier le bâton qui tranche. Donc le fait que tu qualifies le bâton à l'épée pour dire que l'épée elle est plus tranchante que le bâton, tamam, ça c'est comme si jamais tu étais en train d'attribuer des défauts à l'épée. Kadhalika Allah Azza wa Jal, le fait de lui attribuer tamam, des exemples, ou plutôt des semblables, on sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas de semblable, c'est comme si jamais tu attribuais, ou plutôt tu disais que, comme c'est dit dans le poème, tamam, c'est attribuer un défaut à Allah azawajal, car Allah subhanahu wa ta'ala, il est exempt de tout défaut, et il est exempt de tout mathil, de tout semblable. Tamam. Donc lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, fa'adhimu, fihi ar-rabb, émancipé Allah Azza wa Jal dans le ruku', ça veut dire quoi? C'est l'exempter de tout défaut dans sa perfection et de ne pas lui attribuer quelconque semblable à Allah Azza wa Jal, que ce soit dans la seigneurie, dans l'asma wa sifat, dans les noms et attributs, ou bien dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quant aux invocations qui sont légiférées de dire, il faut suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tamam, et ne pas ramener des adhkar de soi-même. Car Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'était la personne qui craignait le plus Allah Azza wa Jal, et qui avait les outils, ou plutôt à qui il lui a été donné les outils les meilleurs, pour pouvoir craindre Allah Azza wa Jal, et pouvoir le vénérer. Tu trouveras, pas dans autre que la guidée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des invocations meilleures pour te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, surtout dans une adoration telle que la salah, qui est, comme on a pu le voir, Umoud ad-Din, qui est le pilier de la religion. Donc parmi ces invocations, Hadith Hudhayfa, dans Sahih Muslim, tamam, dans lequel il dit Sallaytu ma'a an-Nabiy sallallahu alayhi wa sallam, dhata laylatin faftataha al-Baqarah. Il y a un jour, il a prié avec le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, tamam, pendant la nuit, il a ouvert Al-Baqarah Ma'ruf, ensuite il a lu Surat al-Nisa, ensuite il a lu Surat al-Imran. Il a lu d'une manière qui est, il a pris son temps dans la lecture, il a khidhi, thumma il nous dit, thumma raka'a, faja'ala yakul subhana rabbi al-azim. Ensuite, il a fait le ruku' et il s'est mis à dire, subhana rabbi al-azim. Donc ceci nous prouve que ce qui est légiféré, c'est de dire, subhana rabbi al-azim. Ceci fait partie des choses qui sont permis de dire. Et kadhalika, parmi les invocations, ce qui a été évoqué par الإمام البخاري ومسلم سنة عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. Donc عائشة رضي الله تعالى عنها الحديث له دون بخاري ومسلم a dit que le prophète صلى الله عليه وسلم avait pour habitude de dire abondamment dans ses ركوع et dans ses سجود سبحانك اللهم ربنا وبحمدك Allahumma ghfir li. Tamam. Et il dit kana yata'awwal al-Qur'an, c'est-à-dire qu'il interprétait la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans laquelle lui a été dit: "Sabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu Kana tawwaba, lorsque le prophète sallam disait ça dans ses rukou', dans ce sujoud, au fait il ne faisait que répondre à l'appel d'Allah azza wa jal lorsqu'il lui a dit sabbih, c'est-à-dire purifie la grandeur de ton Seigneur et pardonne-le, ou plutôt pardonne, demande le pardon auprès de lui. Sabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Tamam, ça c'est l'interprétation plutôt que Nabi sallam il s'est conformé à l'ordre qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit dans ce verset-là. Parmi les invocations qu'il est permis de dire, kazalika, ce qui a été rapporté par Aïcha, fi sahihayn, tamam, ou plutôt fi sahih muslim, anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kana yaqul fi ruku'ihi wa sujudi, subbuhun quddusun, rabbul malaikati wal ruh. Tamam, donc, dans ce hadith-là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ou Aïcha, nous avons que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il disait aussi kazalika pendant al-ruku', tamam, subbuhun, ces deux noms qui indiquent la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala et le fait qu'il soit immensifié et exempt de tout défaut et de toute chose qui ne qui n'incombe pas d'attribuer à Allah azza wa jal, qui n'incombe pas d'attribuer à Allah subhanahu wa ta'ala dans son adoration, dans son wasifat ou bien dans sa seigneurie. Subbuh, c'est comme si jamais tu disais yani subhanallah wa qaddasa. Tamam, subhanallah wa qaddasa. Yani c'est en gros ces deux formules de vénération dans lesquelles il est compris que tu es en train d'exempter Allah azza wa jal de tout défaut. Wa rabbi malaikati wa ruh, ma'ruf yani malaika. Ma'rufan wa ruh, ou ma'ruf yani c'est Jibril. Rabbi malaikati wa ruh, le Seigneur des anges et du ruh, de l'âme, c'est-à-dire des anges et de Jibril. Tamam. Donc ça c'est pour montrer le haut rang de Jibril, car Jibril fait partie des anges. Mais là, ça fait dans la langue arabe, lorsque tu évoques une chose de manière globale, ensuite tu la spécifies, ceci montre la valeur et le grand mérite de la chose qui a été spécifiée après. Ceci est pour montrer que Jibril fait partie des meilleurs malaïkas, et que c'est l'élite des malaïkas. C'est l'élite des malaïkas, parce que c'est lui qui est, on lui a donné la charge, la plus grosse charge et la plus noble des charges, qui est la révélation du Coran al-Karim. Parmi les choses qui est légiféré de dire kazalika, parmi les invocations, c'est ce qui a été rapporté par Abu Dawud ou An-Nasa'i et d'autres, selon Auf ibn Malik al-Ashja'i, radiyallahu ta'ala anhu, qala kumtu ma'a rasulillah sallallahu alayhi wa sallam laylatan, faqara surat al-Baqara ila akhirihi, thumma qala faraka'a biqadar qiyamihi, yaqulu fi ruku'ihi subhana dhi al-jabarut wal-malakut wal-kibriya. Et le hadith a été authentifié par Cheikh l'Albani, rahimahullah ta'ala. Dans ce hadith authentique, il nous a légiféré de dire Kazalika subhanadi al-jabarut wa malakut. Et c'est Kazalika une formule pour vénérer Allah Azza wa Jal comme subhan wa kuddus. Pour vénérer Allah Azza wa Jal et l'exempter de tout défaut. Subbuh ou subhanadi al-jabarut wa malakut. Ces deux noms, tamam, qui indique la seigneurie, plutôt le royaume, et Al-Jabbar, le contraignant, il traduit ça par le contraignant. À la kulli hal, c'est comme si jamais tu disais, yani le roi, le contraignant, tamam. Subhanati al-Malakut, ou Al-Jabarut ou Al-Malakut, c'est comme si jamais tu étais en train d'exenter, tamam, les vertus, ou plutôt d'exenter Allah subhanahu wa ta'ala de défaut tout en évoquant son nom, ou bien ses noms de souverain et de contraignant, comme ils disent. Al-Jabbar wa Al-Malik. Al-Jabbar wa Al-Malik. Au catholique, parmi les invocations à dire, tamam, ce qui a été évoqué par Ali, ou plutôt dans Sahih Muslim, selon Ali ibn Abi Talib, Anna Nabiya sallallahu alayhi wa sallam, kana idha raka'a qal, Allahumma laka raka'atu, wa bika amantu, wa laka aslamtu, khasha'a laka sam'i, wa basari, wa akhi, wa azmi, wa asabi. Ça, c'est une invocation qui est grande, que je vous invite à pouvoir mémoriser si vous avez la capacité, dans laquelle il immensifie Allah subhanahu wa ta'ala par son unicité, dans laquelle il dit, mon Seigneur, ô Seigneur, laka raka'tu, pour toi seul, je me suis incliné, wa bika amantu, et de toi, à toi seul, que j'ai la foi, wa laka aslamtu, et à toi seul, que je me suis soumis, khasha'a laka sam'i, yani mon ouïe à toi seul est soumis, wa basari, et ma vue en est de telle, wa mukhi, c'est-à-dire mon cerveau, tamam, en est de telle, wa azmi, c'est-à-dire Barakallahu fihi, mes os. Mu'asabi, c'est-à-dire mes nerfs. Il est en train de soumettre son corps entier. Allah subhanahu wa ta'ala, il reconnaît que toutes ces choses-là lui reviennent de, en tout droit, yani, dans la soumission, dans la foi et dans barakallahu fikum, yani, l'islam. Donc ça, c'est une grande formule de tawhid dans laquelle yani, la personne avant Allah azza wa jal et l'invoque dans le ruku', tamam. Donc ça, c'est une chose yani, qu'on incite nos frères tamam, à apprendre, surtout cette dernière invocation, car tu sens vraiment à travers cela que tu es en train d'immensifier Allah azza wa jal. Comme le prophète te l'a ordonné, wa hadhifa amma ruku' wa hadhimu fihi ar-rabb allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha laka sam'i wa basari wa mukhi wa 'azmi wa 'asabi. Nas'al Allah subhanahu wa ta'ala an yanfa'ana bima sami'na wa an la yaj'ala al-'ilm hujjata lana bal 'alayna wa inshallah bas contenter de cela, contente de cela. Barakallahu fikum wa nas'al Allah subhanahu wa ta'ala يحفظنا وإياكم ويوفقنا لكل خير وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تابعهم بإحسان إلى يوم الدين وإن شاء الله pour ceux qui ont la possibilité cet après-midi إن شاء الله كتاب الصيام. السلام عليكم ورحمة الله. مع تحية دماج افاق.com. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين، لا تركن إليهم، هؤلاء إثعابي.